Ya, wesh, ça dit quoi? On est hal, tous mes gars bah font les bails, on bédave, donc on est calme, on a fini, on t'est calme. Franchement, plus rien ne me choque, mais un petit truc qui m'échappe. Y'a des petites en mini short qui traînent partout leur mini chat. Bref, je mets leur système dans les chiottes. Joue plus de zéro sur mes chèques. Tous les jours, me faire du chiffre. Pour l'instant, je m'en sors comme un chef et je fume de merde, je fume de merde, je fume pas de shit, putain de merde. Je refonce des, je trop fuck top. Je suis dans le rouge sauf pour la verte. Un jour, on m'a dit fumer tu, donc j'ai enlevé le tabac et j'ai fumé pur. Mais je suis enragé, j'ai vidé mon sachet. Il faut que j'en rachète, mais j'ai plus les thunes. Maintenant, va falloir assumer. Pendant quelques jours, ça va pas fumer. Mon briquet ne va pas allumer. Cette plante magique, ça va reparfumer. Je me dis ok, ouais, ok, ouais, ok. Ok, ok, ouais, ok, ouais, ok, ok, ouais, ok, ok, ouais, ok, ouais, ok, ouais, ok, ok, ok, ouais, ok, ouais, ok, ok, ouais, ok, ok, bref.